T'as reconnu ou pas? À Paris, y'a toujours pas ma belle tête sur des bêtes d'affiches. Y'a des coins où tu pourras pas tourner plus belle la vie. On profite sans même savoir le temps qui nous reste à vivre. Au feu rouge, ça part en vrille, qu'est-ce ta baisse ta vitre. À Paris, quand y'a mon son, tu reconnais que ça vibre. Je continue tant qu'y'a des bons plans, que mon porte-monnaie sera vide. Tu peux pas imaginer tout le stress qu'elle fabrique. Le nombre de sentiments mitigés que nos têtes abritent. Ça traîne, les jeunes aiment coller leur corps à la brique. Ça saigne, j'y comprends plus rien, même le port à la grippe. À Paris, dans quelques rues, tu trouves un tas de trafic. Ça va de la simple carte SIM au 4x4 classique. À Paris, fais gaffe aux flics, ça part en cascade facile pour l'été. Il me faut un Audi TT, 4 places assises. Sur les champs, ça change pas le touriste à la trique. On traîne en équipe, mais c'est pas l'équipe des galactiques. C'est pareil, photo, fais gaffe au vol à la tire. Des appareils photo, des japonais fanatiques. Ici, c'est Sky Coca, surtout ramène pas le pastis. La vie est assez grave, donc s'il te plaît, ramène pas le bassiste. Je crache sur votre autotune, j'aime le rap classique. Piano, basse, violon, guitare, batterie, scratch, platine. C'est rare, mais des fois ça sort le pétard, ça tire. C'est grave, ça se tape pour le cul d'une pétasse latine. Je fais qu'évoluer, jamais tu me verras statique. Paris s'est pollué, déconseillé aux asthmatiques. Les pays sont représentés via leur mafia type. Tu trouves de tout, Amérique, Afrique, Asiatique. Le shit est découpé, emmené dans des sacs plastiques. Il finira dans quelques bars branchés, place Bastille. À Paris, y'a tellement de fous que ça dépasse l'asile. Les flics sont enjoués, ils se pourraient que tu fasses la cible. Quand je rappe, je donne des images, on m'appelle carte graphique. Ils disent que dans mon sang y'a de l'encre, environ 4,8 g. Les supporters attendent le retour de ces stars magiques. L'époque où on tapait Bayern, Barça, Real Madrid. Dans les boîtes de passe, ça se tape un tas de batterie. Mon banquier me dit c'est bizarre quand je t'appelle t'as pas de batterie. Des fois je casse ma tirelire et on se passe la tise. Paris c'est grec, boudin créole, tiens pris passe ma tire. À Paris, on te dit pas pourquoi les scars la sneak. Comme on dit pas t'es fantastique, on dit t'es carnastique. Des fois, on me dit c'est bien mignon la voix que t'as j'kiffe. Je démonte les fiches, je suis l'équivalent de 3-4 plis. J'rappe en catégorie pro, j'ai ma carte d'artiste. Les jaloux disent arrête le rap, tu vendras pas 4-10. Paris c'est sale, tu peux manger du clé par-ci. Paris fait mal au crâne, les doliprane ça valent par 6. Bon, t'as reconnu le style ?